ciel, il est 17h. C'est la vie comme elle va. Le mercredi de 17h à 18h. Des histoires, des récits, des témoignages, de la poésie, du mystère, de l'émotion. La vie quoi, la vie comme elle va. Une émission pour ceux qui aiment lire, sortir, découvrir. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. Amis, ravis de vous retrouver pour ce rendez-vous incontournable des amoureux de la lecture, des livres. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios une invitée de choix. Mais je vais laisser encore un peu de suspense. Je vais tout d'abord saluer les fidèles animateurs de l'émission, Eliane. Bonjour Irène, bonjour à tous et bonjour les Jean-Pierre et bonjour à notre invité. Salut Eliane. Et en effet, nous avons nos deux Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et je ne vais pas vous laisser languir plus longtemps. Nous avons comme invité d'exception aujourd'hui dans l'émission Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour Irène. Qui est donc la directrice des bibliothèques de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Donc c'est une bibliothèque, c'est un réseau de bibliothèques, n'est-ce pas ? Tout à fait, il y en a trois. Il y en a trois. Bon, on connaît bien la médiathèque Anna Marly. Voilà. Mais il y a deux autres structures encore. Nous avons deux annexes dans les quartiers, les deux quartiers nord et sud de la ville, qui sont plutôt destinés au jeune public. Et effectivement, alors c'est la même maison. Oui. La médiathèque propose un secteur adulte, jeune public, bande dessinée, un secteur musique, un espace numérique, et puis on travaille avec les deux collègues, les quatre collègues des deux bibliothèques de quartier, qui sont quasiment au pied, au sein des quartiers et en étroite collaboration avec les centres sociaux. Donc en fait, c'est un endroit où on peut trouver des livres, beaucoup de livres. On peut trouver beaucoup de livres. S'il faut des chiffres, on va en donner. Il y en a 70 000 à peu près. Oui, 70 000. Donc, ça garantit un choix quand même. Un certain. Des nouveautés qui régulièrement... Tout le temps. Viennent... L'idée, c'est d'approvisionner tout le temps. Et en particulier sur des moments forts comme celui dont on va parler aujourd'hui, qui est celui de la rentrée littéraire. Également des BD, je suppose. Beaucoup, beaucoup de BD. Nous avons des collègues qui sont extrêmement BD-files, qui adorent la BD. Et ce n'est pas vous qui me direz le contraire. Puisque nous avons la chance d'avoir une BD-tech à Fleury-les-Aubrais. Voilà, et donc des collègues qui sont au taquet sur les nouveautés, sur le renseignement et sur quoi conseiller aux usagers qui viennent. Et je crois d'ailleurs que la médiathèque de Saint-Jean-de-la-Ruelle est très pointue question polar. On est pas mal. C'est ça, il va falloir venir nous voir aussi. Ouais. Et là, je fais un grand coucou à Sylvie et à Frédéric en particulier, parce que ce sont nos deux madames polar. Eh bien, nous aurons peut-être l'occasion d'en parler dans le cadre de ce qui est rentrée. Oh, rentrée littéraire, il n'y a pas trop de polar non. En général. Non. Ça vient un peu plus tard. Oui, c'est ça. Dans l'année. Et puis donc, des CD. Des CD, absolument. Un espace musique qui est assez conséquent. Qui est assez conséquent, avec plus de 10 000 CD et les deux meilleurs discothécaires de la métropole, en toute modestie. Et puis DVD ? Alors pas de DVD, voilà, on laisse ça à tous les camarades de toutes les autres bibliothèques. On a du DVD documentaire, mais par contre on a un super espace numérique. Des audiolivres ? Des audiolivres, bien sûr. Ça c'est bien parce que l'avantage, moi j'adore les audiolivres, tu peux faire des tas de choses en écoutant et ça c'est bien. Tu peux voyager, tu peux faire ton repas. Quand je lis, je lis. Ah mais non, tu écoutes. Ah mais non, moi je peux pas. Et en plus, tu as la voix du comédien ou de la comédienne. Et ça, c'est vraiment génial. C'est souvent une très belle voix. Ouais. Beaucoup d'audiolivres ou c'est juste un démarrage? Non, on en a pas mal aussi. Oh, je vais aller faire un tour. Alors d'autant plus que la médiathèque est gratuite. Et oui, c'est une des médiathèques gratuites sur la métropole. Je crois que le phénomène s'étend. Oui, ça commence à être contagieux. Oui, puisque Orléans est également gratuit pour tous les habitants de la métropole, hein, pas seulement pour les Orléanais, pas seulement pour les Stéo-Roëlans, puisque c'est ainsi qu'on appelle les habitants de Saint-Jean-de-la-Roëlle. La bibliothèque est gratuite pour l'ensemble des gens, qu'ils soient de Saint-Jean, de la métropole ou d'ailleurs. Voilà, c'est aussi le cas de Fleury-les-Aubrais. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est une bonne chose parce que ça envoie un signal fort quand même. Il y a d'autres bibliothèques qui ont franchi le pas très récemment. Nos voisins d'Ingré, nos voisins de Saint-Jean-de-Bray, effectivement, qui cette année sont passés à la gratuité. Et effectivement, le signal fort, c'est l'idée que les bibliothèques, c'est un lieu qui est pour tout le monde et qu'en fait, le savoir, l'envie, le loisir, la culture, le plaisir, ben finalement, moins on y met de barrières, mieux c'est et mieux ça, et plus ça rassemble les gens. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus en plus. Oui, on a entre 500 et 800 inscriptions supplémentaires, c'est-à-dire plus de 30%. Mais parce que quand même, c'était pas cher, les bibliothèques. Ça n'a jamais été un lieu cher. Non, mais... Comme quoi, je pense qu'on est au-delà de la question de la tarification elle-même. C'est vraiment la question du symbole. C'est plus ça qui est intéressant. Mm-hmm. C'est le symbole. Parce que... Et puis, quand je parle de symbole, c'est qu'on a vu aussi, pour répondre aussi à votre question, on a vu des personnes qui potentiellement pouvaient bénéficier d'une exonération. C'est-à-dire qu'on avait une exonération pour des personnes qui étaient demandeurs d'emploi. Mais qu'on a vu arriver parce que la médiathèque était devenue gratuite. Et tout d'un coup, ces personnes n'avaient pas à produire le huitième justificatif. Oui, d'accord. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la relation qu'on peut avoir avec le public. Et donc les bibliothèques, de fait, sont des lieux où non seulement on vient chercher des livres, mais ce sont devenus des lieux de vie. Ce sont des lieux de vie où on accueille... Voilà, comme à Fleury, on accueille tout le monde sans distinction d'âge, de sexe, de religion, de nationalité, pour tout type de demande. On est aussi dans des lieux, des lieux de mixité, des lieux de partage, des lieux où on ne juge pas celui d'à côté. C'est quand même important comme valeur, ça, il me semble. Et c'est aussi des lieux où on peut rencontrer des auteurs. Ah, on aime ça. J'ai des bons souvenirs à la médiathèque Anna Marley. On a la chance d'avoir la possibilité d'accueillir des auteurs. C'est quand même pas mal de voir des vrais auteurs en vrai. Hein. Comme diraient les adolescents, il n'est pas mort. Non, il y a des vrais auteurs en vrai. Il y a même des gens qui écrivent encore des livres et qui acceptent de nous faire la joie de venir rencontrer le public, toujours avec une partie de l'écosystème, c'est-à-dire qu'on accueille systématiquement un libraire pour une vente et une dédicace, parce que voilà. Nos métiers du livre, c'est aussi, on fait partie d'un écosystème et on travaille avec des libraires locaux. On a cette chance-là. Et donc, ce sont plus que des fournisseurs, ce sont vraiment des partenaires. Et quels auteurs vous avez pu accueillir récemment à la médiathèque? Alors, le tout dernier, c'est assez récent, c'est Jean-Noël Orango, qui a publié un livre, justement, son troisième roman pour cette rentrée littéraire. Alors, il travaille toujours avec le même éditeur. Hein. Il est toujours chez Grasset. Et il a publié Les Jungles Rouges. Alors, Jean-Noël Orango, c'est quelqu'un qui est assez passionnant sur un plan de la manière dont on le rencontre, la manière dont il s'exprime. C'est quelqu'un qui vous happe, qui vous capte. Et il est passionnant aussi aussi parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager, et en particulier en Extrême-Orient. Et donc là, il situe l'action des Jungles Rouges à l'époque de Pol Pot. Donc on suit Pol Pot, on suit aussi la famille Malraux qui était en résidence au Cambodge. Et puis petit à petit, on suit donc ces personnages qui gravitent autour de Pol Pot jusqu'à nos jours. Alors c'est un roman qui est pas son plus gros. Le précédent était beaucoup plus important. On était sur La Fleur du Capital, on était quasiment à 700 pages. Hein. Mais c'est une écriture. Alors c'est une écriture un peu comme la jungle. C'est très très dense, mais c'est d'une richesse infinie, d'une beauté de vocabulaire. Alors je signale quand même que Jean-Noël Orango, donc on a un très très bon souvenir de cette rencontre, hein, qui a eu lieu le dimanche 8 septembre, eh bien il est trois fois nommé, c'est-à-dire qu'il est sur la liste avec les Jungles Rouges, sur la liste du Renaudot, sur la liste du Médicis et sur la liste du prix décembre. Voilà, donc ça c'est notre dernier coup de cœur, gros gros coup de cœur. Et c'est formidable de pouvoir rencontrer un auteur, de l'entendre parler. Un dimanche ? Incroyable ! Et oui, la médiathèque est ouverte tous les premiers dimanches du mois. Ah. Et oui, c'est la première médiathèque de la métropole à ouvrir le dimanche. Alors là aussi, peut-être un exemple qui sera suivi, qui sait ? Qui sait ? Et ça fonctionne bien ? Ça fonctionne, oui, tout à fait. On est ouvert le premier dimanche du mois, et je vous dis tout d'un coup... Le 8 septembre, mais le premier dimanche du mois, c'était le 1er septembre. On a préféré le faire le 8 parce que le 1er, tout le monde revient, alors on est encore bronzé, ou alors on n'est pas défait ses valises, c'est compliqué. voilà, sinon on est reparti le 1er dimanche du mois, jusqu'au mois de juin inclus. Et oui, ça fonctionne bien, le public familial vient. Alors ça, c'est chouette quand même de voir des gens qui se posent. Alors, avec des enfants, avec des petits-enfants, qui vraiment prennent le temps de profiter de la bibliothèque, ou parfois qui se retrouvent. On a vu des personnes qui venaient se retrouver à la bibliothèque, c'est the place to be, pour prendre un petit café, profiter éventuellement de notre patio. On a un très joli patio qui a été aménagé par les jardiniers municipaux, donc un grand coup de cœur aux jardiniers municipaux aussi. et venir simplement... utiliser le lieu et s'y sentir bien. Donc c'est un vrai plaisir. Passer un bon moment. Le prochain auteur que vous allez recevoir ? Alors, on est pile dans l'actualité, puisque c'est Aurélien Bélanger. Il vient vendredi soir, le 27, à 18h30, le 27 septembre, dans pas longtemps. Et il va venir. Alors lui aussi est un auteur qu'on suit particulièrement à la bibliothèque. Hein. C'est un auteur que je ne qualifierais plus d'émergent, puisqu'il en est à son troisième roman. Alors ce roman, ça s'appelle Le Continent de la Douceur. Le précédent, peut-être que vous en aviez déjà entendu parler, il avait obtenu le prix de Flore en 2014, c'était l'aménagement du territoire. Il travaille toujours avec Gallimard. Et là, donc, Le Continent de la Douceur, c'est un voyage dans une histoire imaginaire de l'Europe. On aimerait bien que ce soit vrai, mais on sait que c'est faux, mais le talent du romancier nous fait vraiment penser que c'est vrai. On peut rêver. On va passer à une pause musicale et ensuite nous démarrons avec le livre du jour. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. On s'est évadé juste un instant pour respirer lentement. Là-haut dans le ciel, une hirondelle joue de ses ailes dans le vent. On parle de tout et de rien, juste un besoin d'être bien. On parle de tout et de rien, juste l'envie d'être allongé dans l'herbe séchée, plongé dans nos idées. On se parle de tout, on se parle de rien. Allongé dans l'herbe séchée, flambé sans trop penser. On se parle de tout, on se parle de rien. Et on laisse filer le temps. On est tout simplement de tout et de rien, juste un besoin d'être bien. On parle de tout et de rien, juste l'envie d'être allongé dans l'herbe séchée, plongé dans nos idées. On se parle de tout, on se parle de rien. Allongé dans l'herbe séchée, flâné sans trop penser. On se parle de tout, on se parle de rien. Et on laisse filer le temps, on est tout simplement allongé dans l'herbe séchée. On se parle de tout, on se parle de rien. Allongé dans l'herbe séchée. On se parle de tout, on se parle de rien. On se parle de tout. On se parle de tout, on se parle de tout, et de rien. Eliane ne parle jamais de tout et de rien, elle parle de choses intéressantes, de livres qui ont attiré son attention et qui l'ont ravie à leur lecture. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'une personne de confiance. Ça, c'est important d'avoir une absolument. Personne de confiance. Absolument, absolument. Et là, j'ai laissé de côté les polars. Je et vous ferai remarquer. Hein Oui, tu as fait une pause dans le gore. J'ai fait une pause. Donc, le livre de Didier Van Kovelaert m'a bien intéressée. Ça s'appelle « La personne de confiance ». Je vous lis le début parce que c'est pas triste. On croit qu'on ne sert à rien sur Terre jusqu'au jour où quelqu'un vous demande l'impossible. Alors, ça vous donne des ailes et tous les risques valent la peine d'être pris parce qu'on est devenu nécessaire. Tout a commencé mardi 4 septembre à 9h08. Je venais d'entamer ma première rotation dans le quartier Foch, Paris 16e, mon secteur habituel. J'arrive au niveau du croisement Pergolèse-Malakoff. Et voilà que j'avise en plein sur un emplacement livraison. Comment ça, nom et prénom? Je vous les ai donnés tout à l'heure. Vous n'arrivez pas à vous relire? Bon, ok, on recommence. Bon, mais vu le nombre d'événements qui vont s'enchaîner, je vous préviens, capitaine, si vous m'interrompez toutes les 20 secondes, vous n'êtes pas prêt de rentrer chez vous. Moi non plus, oui, je me doute. C'est combien d'heures maximum, une garde à vue? Ah, quand même. Médard Maximilien, trouvé le 8 juin 1995 à Bobigny 93, dans un local poubelle rue Robespierre, d'où mon prénom. Et c'était le jour de la Saint-Médard, d'où mon nom de famille. Pas étonnant qu'il ait beaucoup plu dans ma vie. Non, c'est une métaphore, enfin, une vanne. La Saint-Médard, quoi, le dicton. Oui, bon, on va laisser tomber. Hein. Donc, j'arrive au carrefour Malakoff et paf! La première prise du jour, en plein emplacement livraison sanctuarisée, comme on l'appelle, ligne jaune sans hachure, c'est-à-dire aux usagers même de 20h à 7h. Je ne vous apprends rien. Voilà, et j'avise une Rolls fantôme, dernier modèle. Voyez l'engin ? Cercueil blindé pour ma Furus ou émir du Qatar. Ni une ni deux, je m'arrête, je descends, je la ferre. Pourquoi ? Parce que c'est mon métier. Au départ, je vous l'ai dit, je suis grutier. Eh ben non, capitaine, mais je comprends la confusion, vous n'êtes pas le premier. Ce n'est pas une grue de chantier, c'est celle des 4x4 de la Fourrière. Voilà, donc vous avez compris que ça se passe dans un commissariat. Cet homme raconte son histoire, pourquoi il va nous dire pourquoi il est en garde à vue et tout ça. Quand tout à coup, donc il continue son histoire et il dit, quand tout à coup, il y a un livreur de pizza qui me double, qui rigole, qui me fait « Eh man !» T'as une yeuve à l'arrière. Alors, aussitôt, je m'arrête. La boule au ventre. Je descends vérifier. Ah, il a raison, ce con. La vitre noire de la portière arrière gauche est baissée. À présent, et en travers de la banquette, je découvre une petite vieille qui jappe, les yeux fermés. Pardon ? C'est elle, oui, enfin, la victime. Non, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est Madame Larmor Pleben. Oui. Vous me cassez le suspense. Je vous raconte notre rencontre quand vous me l'avez demandé en temps réel. Laissez-moi développer. Donc la dame qui est dans la voiture, c'est cette dame qu'on voit partout sur les affiches, qui fait des gâteaux, qui tient une biscuiterie très célèbre, qui a été la directrice de cette grande biscuiterie. Et il ne l'avait pas reconnue tout de suite, bien sûr. Alors, elle lui dit des drôles de choses. Elle lui dit « Canter ?» Canter. En plus, j'ai pris une pocharde. Canter. Elle veut de la Canterbo. Mais non, elle veut son médicament. Parce que son chauffeur, il avait laissé la voiture là, parce qu'il fallait qu'il aille vite lui acheter son médicament. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ouh là là. Il téléphone à son ami Vlad, il lui dit, tu vas venir récupérer la Rolls, et puis moi, je vais prendre un taxi, puis il va l'emmener à l'hôpital, parce qu'il voit bien qu'elle ne va pas très bien. Hein ? Alors, il va comprendre que le neveu de la vieille dame n'est pas très clair. Il appelle la fille dont il est amoureux fou. Enfin, lui, elle, il ne sait pas trop. Et lui demande, je vais te poser, parce qu'elle fait des études de pharmacie. Alors, il lui pose une question. Et sa réponse, ça va un petit peu l'embêter parce que, Sam, juste une question sur un médoc. Si on associe le Canterol et le Pantarex, c'est possible qu'il y ait des effets secondaires ? Un blanc. Puis elle lance, tu déconnes ? Si tu veux te faire interner pour démence précoce, ben t'as fait le bon choix. Ne me dis pas que t'as un pote qui se tripe avec ce genre de cocktail. Ah ben j'ai la réponse. Elle est étudiante en pharmacie et même s'ils sont en grève les trois quarts du temps, elle sait ce qu'elle dit. Je lui demande si elle est chez elle, je lui donne au chauffeur notre nouvelle destination. Et alors là, la dame, quand elle va commencer, parce qu'ils vont l'emmener à l'hôpital, tout ça, et dès qu'elle va le regarder, elle l'appelle Victor. Ah, t'es là, Victor, t'es revenu. Et alors, Victor, c'était son amoureux avant la guerre. Hein, et donc, il y a une histoire, tout ça. Et donc, Maximilien Médard, il dit, c'est pas possible, il faut absolument que je m'occupe de cette dame, parce qu'elle lui dit qu'elle a son conseil d'entreprise et tout ça. Donc, eh bien, il va s'occuper d'elle. Mais quand même, il se demande si elle a vraiment Alzheimer, parce que de temps en temps, elle est très autoritaire quand elle parle avec... Mais alors, cette histoire avec Victor... Donc voilà, c'est l'histoire de cet homme qui raconte à ce commissaire de police, parce que vous pensez bien que le neveu, il a porté plainte, parce que le neveu, il n'est pas clair. Et donc, lui, Maximilien Médard, a décidé de s'occuper de cette vieille dame, hein, dont il voit la photo partout, même si maintenant elle est beaucoup plus vieille, et parce que c'était celle qui a fait ses biscuits qu'il aimait tant quand il était jeune. Et en fin de compte, cette histoire, c'est très bien, parce que tout se passe dans le commissariat, et il nous raconte l'avancée de son... Pourquoi il s'est occupé de cette dame, et qu'en aucun cas, il est un délinquant, bien sûr que non. Et même ce qui est très drôle, c'est la fin. Mais ça, je vous le dirai. Ah bon, non, je ne vous le dirai pas. En tout cas, moi, j'ai souvent ri, j'ai beaucoup souri, et puis c'est plein de gentilles intentions. Alors, c'est pas du tout dans le style de Mamie Lugère. Pas du tout. On va pas découvrir des choses horribles. Non. Là, c'est que... Ce qui est drôle, c'est quand elle le prend pour Victor et quand elle raconte. on retourne dans la guerre 40, il a été. Pris par les Allemands, je suis sûre qu'il a parlé, mais non, il n'a pas parlé, parce que... Enfin, c'est très drôle, elle confond tout, ça nous replonge dans des mondes différents, et puis, de temps en temps, on revient dans la réalité, et puis surtout, Sam, son ami, et Maximilien vont faire des choses très bien. Si vous voulez passer un bon moment, sourire ou rire, suivez le conseil de Eliane, et prenez une personne de confiance en la personne de Didier Van Coveler. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Aller te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent à demi. fille belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, aller te faire un où je serai poli pour la télé. Mais va te faire un balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter, aller te faire en moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter, aller te faire un où je serai poli pour la télé. Mais va te faire un balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que... Et en fait, c'est non. Alors, quand on rentre de vacances, en général, on n'a pas trop le moral. Surtout quand on a eu des amours de vacances, etc. Qu'on a dit oui au lieu de dire non. C'est toujours un peu difficile. Mais heureusement, il y a un grand bonheur qui nous attend tous les ans. En septembre, c'est la rentrée littéraire. Et là, on a profusion de livres et on se dit qu'on a encore beaucoup de bonheur en perspective. Hein, il y a plus de 500 livres qui sortent chaque année, n'est-ce pas, Olivia? À peu près 520 cette année. C'est énorme. C'est énorme. Et alors, la difficulté, c'est de s'y retrouver. Ben oui. Et de savoir ben, qu'est-ce qui va nous plaire, qu'est-ce qui va justement nous donner ce bonheur de lire. Et alors là, nous avons une personne de choix pour nous guider dans cette jungle de la rentrée littéraire. Olivia, qu'est-ce que vous nous conseillez de lire ? Alors, il y a des conseils, il y a des coups de cœur, il y a des choses dont on parle et il y a des choses dont je ne parlerai pas. Et toc. Voilà, et toc. Alors, parce que la presse parle de plein de livres, évidemment. Oui, oui. Toujours un peu les mêmes auteurs. Voilà. Mm-hmm. Mais il y a aussi tout ce qu'on peut avoir envie de lire soi-même. Mm-hmm. Et voilà, de sortir un peu des sentiers battus. Alors, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, on a acheté 87 romans sur cette rentrée littéraire. Alors, vous me direz, sur 524, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, mais quand même, 87, c'est pas c'est si beaucoup, mal. C'est hein, beaucoup. C'est pas si mal. Donc, alors, je vous cite parmi ces romans un roman de Valentine Gobi. Alors moi, j'aime beaucoup, beaucoup Valentine Gobi. Son dernier roman s'appelle Murène. Je sais qu'on en reparlera tout à l'heure. Elle est toujours fidèle à Actes Sud. Et si vous avez lu le précédent, un de ses précédents qui s'appelle Kinderzimmer, il faut lire Murène parce qu'on retrouve la grande sensibilité de Valentine Gobi et là sur un sujet qui est particulier puisque on parle de handicap. Un autre roman dont on a parlé cette semaine dans La Métropole, c'est Vaincre à Rome de Sylvain Coher qui a fait l'objet d'une lecture. Alors on est toujours chez Actes Sud et on est en 1960, on est à Rome et au cours de l'épreuve de marathon, le marathon olympique qui a été remporté par un athlète qui s'appelle Abebe Bikila. Et ce livre nous ramène bien longtemps avant, c'est-à-dire à l'époque de Mussolini, où l'Éthiopie était sous contrôle, sous domination italienne. Et l'auteur, donc Sylvain Coher, se met dans la peau de ce marathonien. C'est très beau. Alors ça va aussi vite qu'un marathon, c'est-à-dire que c'est une écriture lente et construite, parce qu'un marathon, ça ne va pas vite, mais qui est profonde et que voilà, on a envie d'aller d'aller au bout et de voir, de comprendre ce qui motive ce coureur. Un sujet complètement différent. Alors là, je pars chez Albin Michel. Un sujet complètement différent. Alors ça, c'est ça qui est bien dans cette rentrée littéraire, c'est qu'on n'a pas que des auteurs qui vous parlent de leur moi profond. Et on a des vraies histoires extrêmement intéressantes. Donc, le bal des folles de Victoria Mas. Alors là, on part en 1885. Et on part dans... Alors, ça s'appelle le bal... Pour Eliane, ça s'appelle le bal des folles. Parce que c'est l'histoire de Charcot, hein, qui travaille sur l'expérimentation de la... Voilà, de comment soigner les malades, et les malades mentaux en particulier. Donc, il travaille sur la fête... comme une thérapie. Alors comment le fait d'aller de faire la fête pour des gens qui sont en thérapie mentale, comment ça va les aider à aller vers la guérison. Donc c'est l'idée d'aller chercher toute une galerie de portraits qui est complètement délirante et pareil qui nous tient de façon permanente. Alors on va avancer un petit peu. Et là je vous emmène avec Hubert Mingarelli. Alors Mingarelli, c'est une écriture. Bien sûr, il n'en est pas à son coup de maître. Il travaille toujours avec le même éditeur, hein, chez Buchet-Chastel. Mingarelli, c'est une écriture très lente. Et là, on part en 1945. C'est un très très beau livre qui met en scène un photographe anglais qui se promène en Allemagne. Alors, c'est pas une promenade de santé. Ce photographe a assisté à la libération d'un camp de concentration. Et en fait, il va... donc en 1945, dans une ville imaginaire d'Allemagne, une ville qui est libérée et qui est du coup après occupée par les Alliés. Ce photographe assiste à cette libération de camp de concentration et cette libération va l'obséder de façon d'une telle façon qu'il va se demander, il va essayer de comprendre et de capter par ses photos l'essence de ce peuple qui pour lui a permis ça. Donc il a décidé de traverser le pays à bord d'un véhicule militaire, accompagné d'un jeune soldat qui pour lui n'a pas la légitimité parce qu'il n'a pas il n'a pas combattu. Ce soldat n'a pas combattu et pour lui c'est quelque chose de très très grave. Il ne se sent pas légitime en tant que soldat parce qu'il n'a pas fait la guerre. Il est arrivé juste à la libération, mais avec ce photographe, ils vont traverser l'Allemagne et découvrir les Allemands de l'Allemagne profonde qui n'a pas forcément eu son mot à dire sur ce qui vient de se passer, la guerre qui vient de se terminer. C'est un très beau livre, très sensible. C'est un petit livre, hein, mais le temps se suspend toujours avec Hubert Mingarelli et c'est un sujet qui est très très fort. On sent l'envie de ce photographe de tourner la page, mais en même temps cette obsession qu'il a eue de comprendre et qu'il a jusqu'à la fin du livre de comprendre pourquoi ce qu'il a vu a été possible. Donc c'est un vrai gros coup de cœur. Ça s'appelle La Terre invisible. Alors quelqu'un de plus connu, en tout cas de sans doute dont on parle plus. Olivier Adam. Olivier Adam, il est publié chez Flammarion et il publie une partie de Badminton. Alors, ce n'est pas un roman sportif, pas du tout. Hein? Alors, une partie de Badminton, ça fait appel, c'est un titre qui fait appel à une chanson d'Alain Chamfort qui va dire que la rue, ce qu'on vit dans la rue, ce n'est pas une partie de Badminton. C'est-à-dire que le Badminton va être pris. Alors, je ne sais pas si autour de moi, il y a des gens qui jouent au Badminton. Qui en font en compétition, mais le badminton est ici assimilé à quelque chose de facile, de léger. Alors c'est précisément l'inverse de ce qui arrive au personnage de ce roman. Le personnage en question, il s'appelle Paul et c'est un écrivain. Alors c'est un peu le double de fiction d'Olivier Adam. C'est un écrivain qui revient en Bretagne parce qu'il était parti à Paris voir l'arc-en-ciel parisien, les fumées parisiennes. Et en fait, il n'y avait rien derrière. Il s'est trompé. Ses livres ne se vendent plus. Il n'a plus d'argent parce que justement, ses livres ne se vendent plus. Le téléphone ne sonne plus. Les éditeurs ne l'appellent plus. L'inspiration a disparu. Donc, il décide complètement fauché de repartir en Bretagne. Donc, son fils lui fait la tête. Sa fille encore plus parce qu'elle était habituée au lycée parisien. Et forcément, là, elle est partie dans un trou paumé de Bretagne. Ça ne lui convient absolument pas. Il découvre qu'un de ses meilleurs amis et soutiens est décédé. Et il découvre que sa femme le trompe. C'est quand même compliqué. Ça fait beaucoup. Ça finit par faire beaucoup. Donc, le lien avec le badminton, ça peut être aussi... Mais comment on fait pour rebondir au milieu de tout ça? C'est très compliqué. Alors, en plus, il n'est plus écrivain, puisque plus personne ne l'appelle et que l'inspiration ne vient plus. Il devient gratte-papier pour un journal local chargé de couvrir les faits divers. Alors, les faits divers, c'est vraiment des faits divers, hein, comme ce qu'on trouve dans les rubriques, voilà. Donc, ça n'est pas très intéressant pour lui. Alors, petit à petit, on découvre que ce personnage, en fait, il est extrêmement attachant. Il lui arrive plein de choses compliquées, mais il est extrêmement attachant. Et finalement, il a une immense résilience. Olivier Adam, c'est ça. Finalement, c'est la mère de Bretagne qui vient comme la vie. Et au final, ben peut-être que ça va l'aider de voir cette mère qui revient toujours. Donc, ça veut dire que peut-être à un moment, la vie aura une lueur d'espoir entre les nuages bretons. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est un très beau nuage breton qui, à un moment, s'éclaire. Un petit coup de cœur très très rapide sur un roman de Natacha Apana qui s'appelle « Le ciel par-dessus le toit ». C'est chez Gallimard. Natacha Apana, il y a quelques années, elle avait reçu le prix du premier roman. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a fait un beau bout de chemin. Je vous ai parlé déjà du continent de la douceur d'Aurélien Bélanger. Donc venez à la médiathèque de Saint-Jean-de-la-Ruelle le 27 à 18h30. Si vous avez envie, ce serait chouette. Quelqu'un qu'on connaît bien, c'est Olivier Rollin aussi, qui a publié Extérieur Monde, toujours chez Gallimard, des souvenirs de voyage. Hein. Olivier Rollin, c'est une écriture... aérienne, c'est une écriture qui nous fait voyager. Donc ça vaut le coup aussi d'aller voir un petit peu ce qu'il a écrit. Et puis on part chez Minuit pour un autre roman, alors qui n'a strictement rien à voir. Alors là, on n'est plus du tout dans le voyage, on est dans la propriété privée. Julia Deck a écrit Propriété privée. Et c'est l'histoire d'un couple qui est très heureux de s'installer dans une zone pavillonnaire qui est un écoquartier à quelques encablures de Paris, mais heureusement, il y a le RER. Donc, ils sont très heureux, ils ont un bilan carbone complètement négatif. Alors, ce qui est négatif aussi, ce sont ses voisins, parce que c'est une catastrophe, les voisins. Et qu'est-ce que c'est compliqué, finalement, d'avoir des voisins qui, en fait, ont envie de faire copain avec nous, hein, parce que, après tout, on partage les mêmes valeurs, sauf que ça devient un vrai cauchemar. C'est très, très compliqué. Alors, c'est presque un polar, hein, pour les amateurs de polar que je vois, c'est presque un polar. Mais en fait... Non. C'est pire que ça, parce que ça peut se passer dans la vraie vie, c'est une catastrophe. Donc voilà, faut lire Propriété privée de Julia Deck, et surtout quand on vient d'acheter sa maison, parce que ça nous rappellera plein de souvenirs. Bah, alors, il vaudrait peut-être mieux avant. Alors oui, peut-être qu'on peut le conseiller à des notaires, effectivement. Ça pourrait être une bonne idée. Si j'ai encore quelques secondes. Oui, oui. Lisez le livre ou jetez un coup d'œil au dernier livre de Vincent Message qui est paru au Seuil. Ça s'appelle Cora dans la spirale. C'est une plongée sans concession dans le monde de l'entreprise. Vincent Message a fait des stages dans des grandes entreprises, très très grandes entreprises, pour parler du mal-être dans l'entreprise et de la manière dont les grandes entreprises peuvent laminer vraiment à la fois le moral, la motivation et l'envie de leurs salariés. Il avait écrit un précédent roman. Et voilà, le titre m'échappe, évidemment. C'est normal. C'est normal. Mais c'était bien. Mais c'était bien, parce qu'en plus, on l'avait reçu à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Et il nous expliquait qu'en fait, finalement, c'était un roman d'anticipation où les humains devenaient des humains de compagnie. Ah. Et c'était un livre sur la maltraitance animale. Voilà, d'accord. On devenait des humains de compagnie. Ça va me revenir, mais je n'aurai plus l'antenne. Tant pis pour moi. Donc, Vincent Message, il se bonifie en vieillissant. Et donc, il faut aller voir un peu ce que Vincent Message peut produire, parce qu'on n'est jamais déçu. Voilà, mais quelques coups de cœur. Merci, dans le temps imparti. Donc vraiment, très très bien. On a de bons conseils. 8 bouquins à lire. De wow. lecture. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et c'était lui le soleil qui faisait nos réveils chaque matin. Et la mer était belle et nous courions vers elle main dans la main. Et puis nous marchions sur la plage. Tu cherchais des coquillages comme un enfant. Les mettant à mon oreille pour entendre, je me rappelle l'océan dedans. Soleil, je t'aime et pour toujours tu es fidèle. Mais l'amour n'est pas souvent comme toi. Toujours si fin, les fruits mûrs et le vin étaient pour toi. Je te grondais quelquefois lorsque tu ne mangeais pas, ce n'était rien. Et l'on s'allongeait sur le sable, nos rêves étaient semblables, je me souviens. Parlions de la maison, des enfants que nous aurions, et nous étions bien. Soleil, je t'aime, et pour toujours, tu es fidèle. Mais l'amour n'est pas souvent comme toi. Et c'est toujours lui le soleil qui fera mes réveils chaque matin. Soleil d'hiver ou d'été, il voit les amours passer et les chagrins. Combien faudra-t-il de plages, combien d'autres visages pour comme toi. La maison et l'enfant aux cheveux blancs que nous n'aurons pas. Soleil, je t'aime et pour toujours tu es fidèle. Mais l'amour n'est pas souvent comme toi. Pourquoi? Soleil, je t'aime et pour toujours tu es fidèle. Mais l'amour n'est pas souvent comme toi. Pourquoi? Attendez une minute. Vous soupçonnez qui? Aucun d'entre eux. Tous. L'énigme restera entière. Tu ne connais pas les membres de ma famille. Tu n'as pas idée de quoi ils sont capables. C'est monstrueux. Côté polar. Je vais vous emmener à travers le prologue de Da Vinci Code. Un roman d'il y a une quinzaine d'années. Je vous dis à travers le prologue que je ne vais pas vous l'imposer entièrement. Jacques Saunière est le célèbre conservateur en chef du musée du Louvre. Il s'élance en courant dans la grande galerie. Le vieillard de 76 ans saisit à deux mains le premier tableau qui se présente sur sa droite, un Caravage, et tira dessus de toutes ses forces. Le grand cadre en bois doré se décrocha de sa cimaise et Jacques Saunière s'écroula sous le poids du tableau. Comme il s'y attendait, une énorme grille métallique s'abattit à l'extrémité est de la galerie, ébranlant le parquet et déclenchant une alarme qui résonna au loin. Saunière resta un moment à terre, le temps de reprendre son souffle et de faire le point. Il rampa sous le tableau pour s'en dégager et jeta autour de lui un regard circulaire, cherchant désespérément un endroit où se cacher. Une voix s'éleva terriblement proche, ne bougeait pas. À genoux sur le parquet, Saunière s'immobilisa et tourna lentement la tête. À moins de 10 mètres, bloqué par la herse, son assaillant l'observait derrière les barreaux. « Vous n'auriez pas dû courir, lui dit-il, et maintenant dites-moi où elle est. » « Je vous répète que je ne vois pas de quoi vous parler, répliqua Saunière, agenouillé sans défense sur le parquet. Vous mentez. » L'autre le fixait complètement immobile, comme si toute sa vie s'était concentrée dans son regard spectral. « Vous et vos frères avez usurpé un trésor qui ne vous appartient pas. » Un flux d'adrénaline parcourut le corps du conservateur. Mais comment a-t-il pu apprendre cela ? Son agresseur pointa de nouveau le pistolet vers lui. « Après votre disparition, je serai le seul à connaître la vérité. » La vérité, le vieux conservateur comprit aussitôt toute l'horreur de la situation. « Si je meurs, la vérité sera à jamais perdue. » Le clic de la détente résonna dans le chargeur vide. Saunière rouvrit les yeux. Il resta seul, piégé derrière la grille, qui ne pourrait pas s'ouvrir avant une minute. Il serait mort avant. Mais la peur qui l'étreignait dépassait de beaucoup celle de mourir. Le secret doit être transmis. Gémissant de douleur, le vieillard rassembla ses forces physiques et mentales. Il s'attaqua à sa dernière tâche, conscient qu'il lui faudrait mettre à profit chacune des secondes qui lui restaient à vivre. Donc Da Vinci Code, ou Da Vinci selon la prononciation que vous choisirez, est un roman policier qui navigue entre deux eaux, la fiction réelle et le réel fictif. J'adore. Je m'en sors bien avec cette formule, car comment faire la part des choses entre ce qui existe, ce qui a existé, et ce qu'on aurait bien voulu qu'il existât. Wow. Il me faut avant toute chose situer à grands traits le contexte qu'évoque le roman, à savoir le prieuré de Sion. Dans les années 60, un certain Pierre Plantard, connu dans le microcosme d'extrême droite antisémite, dépose à la Bibliothèque nationale de France des documents intitulés « Archives du prieuré de Sion ». Le prieuré de Sion, c'est une organisation secrète fondée en 1099 à l'issue de la première croisade. Et parmi ses membres, on trouve un grand nombre de personnages illustres, Botticelli, Léonard de Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo, Claude Debussy, etc. Mais en 1993, lors d'une tourmente judiciaire, Pierre Plantard admet que cette liste est le fruit de son imagination. Ouais, ce qui est dit, hein. De nos jours, le prieuré de Sion, c'est une association loi 1901, fondée en 1956 par le Pierre Plantard en question et quelques autres. Et elle prend pour sous-titre un acronyme complètement délirant, Circuit, Chevalerie d'institutions et règles catholiques et d'union indépendante traditionnaliste. Plantard finit par avouer aussi qu'il s'agit d'une supercherie censé le mettre sur le trône de France en tant que descendant des Mérovingiens. Nous y voilà. J'ai été un peu long, mais il fallait y venir. La dynastie mérovingienne descendrait directement de Jésus et de Marie-Madeleine. Et dans cette optique, la mission du prieuré serait donc de cacher l'existence de ces saintes lignées, le vrai Graal, alors que tous les non-initiés reconnaissent comme Saint Graal le calice utilisé par Jésus lors de la scène. Eh bien, voyez-vous, Dan Brown nous bluffe. Il nous fait évoluer à la conquête de la vérité et l'on veut savoir, même si l'on sait déjà qu'on ne saura pas. Jacques Saunière, le conservateur du Louvre, est retrouvé donc assassiné au pied du Caravage et pas loin non plus d'une œuvre gigantesque de Léonard de Vinci, La Seine. Et arrêtons-nous devant ce dernier repas. De chaque côté de Jésus, 6 apôtres, 13 hommes donc à cette table. En êtes-vous bien sûr, 13 hommes? Regardez bien, qui est à la droite du Seigneur? Il est bien féminin le personnage penché sur l'apôtre, à son côté droit, et qui forme avec Jésus ce V caractéristique, la preuve, que dis-je, une preuve parmi tant d'autres, le V dans la symbologie représente la divinité féminine. Robert Langdon, un Américain spécialisé dans la symbologie, est mêlé à ce meurtre. Saunière a écrit sur le sol avant de mourir. Son message s'achève par PS, trouvez Robert Langdon. Pour Fatché, vieux commissaire à qui on ne la fait plus, l'affaire est dans le sac. Seule Sophie Neveu, cryptologue et petite fille de Saunière, croit en l'innocence de l'Américain, persuadée que le message de son grand-père s'adresse à elle en particulier. Sophie Neveu va aider Langdon à s'échapper des griffes de Fatché. Figurez-vous que Saunière était à la tête du prieuré de Sion. Pauvre Marie-Madeleine et sa passion pour Jésus. L'Opus Dei n'a que faire des histoires d'amour quand la puissance temporelle est en jeu. Le Vatican n'a que faire des évangiles apocryphes quand le dogme est menacé. Il fallait faire taire Saunière, mais Saunière a parlé par énigme, rébus et jeu de piste. Saunière a élevé sa petite fille et lui proposait souvent ce genre de défi. Langdon et Sophie Neveu, ces deux experts du langage mystérieux, mettent en commun leur savoir-faire et établissent que Saunière a choisi de mourir dans une position symbolique rituelle, rappelant celle de l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, vous savez l'emblème de Manpower, qui abandonne d'ailleurs cet emblème en 2006, date de sortie du livre dont je vous parle. Ça prouve quoi? À mon sens, rien, mais me voilà trouvant partout des indices bizarres. Langdon et Neveu comprennent que le secret a un rapport avec le peintre italien. Celui-ci a été un temps chef du prieuré et il aura cherché à exprimer à travers ses œuvres, de façon indirecte, ses idées sur la nature de la relation de Marie-Madeleine et de Jésus. Tandis que Langdon et Sophie enquêtent de France en Angleterre, un évêque onctueux s'envole des États-Unis pour Rome. Un dangereux possédé, à côté de qui un traditionnaliste extrémiste est un joyeux enfant de cœur, assassine pour la cause ou à cause de la cause. Les complicités ancestrales se dissolvent, les œuvres esthétiques se transforment en mystères. Il va falloir bientôt une nouvelle pierre de Rosette pour répondre au sourire de Mona Lisa. En vérité, je vous le dis, si vous voulez conserver vos sages certitudes, ne lisez pas Da Vinci Code. J'étais si serein avant d'avoir osé le faire. C'est donc un quasi-classique que tu nous as présenté aujourd'hui, Da Vinci Code de Dan Brown. Eh bien, nous sommes quasiment à la fin de notre émission. Je vais vous donner quelques conseils de sortie. Dès samedi, le 28 septembre, la passerelle réouvrira ses portes pour une nouvelle saison avec un artiste bien connu des amateurs de radio, Guillaume Meurice, qui viendra avec son groupe de rock macroniste, les Disruptives. Comme nous l'a dit Olivia tout à l'heure, nous allons reparler de Valentine Gobi puisqu'elle viendra lundi 30 septembre à la librairie Les Temps Modernes pour présenter son roman Murène. Le 1er octobre à 20h30 à la Passerelle, c'est au bout du comptoir La Mer qui sera présenté par la compagnie Les Fous de Bassan. Le vendredi 4 octobre, tiens, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, à la Maison de la Musique et de la Danse, vous pourrez essayer de comprendre comment on peut épouser un milliardaire. Et jusqu'au 4 octobre, vous pouvez au cadeau découvrir la pièce d'Alexis Michalik, Le Cercle des Illusionnistes. Et donc, on rappelle aussi qu'à Saint-Jean-de-la-Ruelle, le vendredi 27... Alors, en fait, il y a trois petits rendez-vous. Le 27 à 18h30, rencontre avec Aurélien Bélanger, donc à la médiathèque de Saint-Jean-de-la-Ruelle, avec la complicité de la librairie Les Temps Modernes. Nous avons aussi, eh bien, avant d'aller voir Guillaume Meurice à la passerelle, peut-être que vous pouvez passer par la médiathèque de Saint-Jean-de-la-Ruelle le 28 septembre, donc le samedi à 15h, pour venir écouter Lise Chéral. Et oui, c'est la sœur de Jeanne. Hein. Et donc, elle est en duo avec Morvan Prat, son fidèle musicien. Et donc, elle nous fait un petit concert, un beau concert acoustique, le 28 à 15h. Et le dernier rendez-vous, toujours à Saint-Jean-de-la-Ruelle, avant d'aller épouser un milliardaire, vous pouvez venir à 18h. À la médiathèque, toujours, et nous allons travailler avec une pédiatre qui s'appelle Françoise Secato autour des questions d'alimentation, puisqu'elle est directrice de collection sur ce thème-là. Voilà, donc, vous voyez, entre lire ou sortir, il y a de quoi choisir. Là, il y a de quoi choisir. Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous donner les musiques que nous avons entendues aujourd'hui? On a eu des petits Français, puis un Québécois, M. Bernard Côté, qui nous a fait une jolie chanson dans le pur style du groupe Bon Hommage des années 70. Tu sais, le phoque qui faisait tourner le ballon sur son nez. Oui. Ouais, c'est des beaux souvenirs. Il y avait une sonorité spéciale et Bernard Côté l'a repris, cette sonorité. Et on a eu, pour les petits Français, Angèle, Françoise Hardy, Souchon, dans un duo Soleil. Et puis là, c'était quelques notes tout à l'heure de Stefano Bologni, trio pour le petit jazz. Merci Jean-Pierre pour toutes ces musiques que tu nous prépares toutes les semaines. Donc il nous reste à vous souhaiter une excellente semaine, de bonnes lectures, des sorties à profusion. Alors là, franchement, vous avez le choix, on voit que c'est la rentrée. Hein. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission La vie comme elle va. Et donc, bye bye. Bonne semaine, au revoir. Et nous allons passer le relais à Violette pour traditionnel. Bye bye.